Bonjour, sur cet album Sonotone Impérial en synthétiseur. On peut faire plein de sons avec. C'est vraiment très technologique, hein? J'entends quelque chose dans mon oreillette. Qu'est-ce que tu veux me dire? Est-ce qu'on peut faire aussi des démos ou bien? Des démos? On a des démos! Ou bien, on a des démos! On a aussi des rythmes présélectionnés.